Bonsoir auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Forum Jeune. Dans deux jours, nous serons le 14 février, une date qui coïncide avec la fête de la Saint-Valentin. Certains diront que la fête qui, au départ religieuse, se vit aujourd'hui comme une fête mondaine. Dans cette émission, nous reviendrons sur l'origine de cette fête de la Saint-Valentin, le sens donné à cette fête et surtout la manière dont la Saint-Valentin devrait être interprétée par les jeunes d'aujourd'hui. Pour en parler, je suis avec Benny Ndaishimiye, sexologue et coach en relations conjugales. Bonjour, bonjour et encore. Bienvenue dans l'émission. Merci. Mille fois pardon pour le retard. Voilà. Je vois toujours mon comme d'habitude. Oui, il faut être motivé, tu vas devenir coach, c'est un triste, surtout en matière de la conjugalité, parce que ce n'est pas un match de foot. Ou bien c'est parce que c'est la Saint-Valentin. Oui, c'est déjà ça, c'est la Saint-Valentin, bien sûr, il faut raviver cet amour. Voilà, vous l'avez senti, nous sommes avec Benny Ndaishimiye, sexologue, comme je venais de le dire, et à l'animation de Forum Jeune d'aujourd'hui, Pacifique Chubahiro, la mise en onde est assurée par... Toussaint Mitevoutsi, à vous tous à l'écoute, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Voilà, monsieur Benny, heureusement que vous êtes chrétien. Si vous étiez musulman, ça serait une autre question. Mais cela étant, vous pourrez nous dire un peu l'origine de la fête de la Saint-Valentin. Bon, voilà. En fait, même un musulman a besoin de savoir d'où est venu. Quelque part, c'est clair. Un athée, c'est évident. Alors d'abord, Valentin existait. Valentin, c'est un homme, c'est réel. Ce n'est pas une invention de nos. Valentin existait, c'était un prêtre de l'Église catholique, ça c'était la première fois. Alors, la façon dont c'est venu, c'était un prêtre qui savait prêcher sur l'amour de Dieu, c'était énorme. Et puis à un certain moment, dans un pays où il a été ordonné comme mission, c'était un pays qui était très en guerre. Donc, et le roi a exigé qu'aucun soldat ne fera pas de mariage pour qu'il y ait des célibataires dans l'armée. C'est ça l'origine de tout. Mmh. Et ces soldats, c'était dans ce secteur où il y avait plus de soldats, dans la paroisse d'où ils dirigeaient. Donc, à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le prêtre, lui, il a refusé l'ordre de l'État. Parce que le roi a donné l'ordre qu'aucun soldat, aucun homme ne doit faire le mariage parce que tous les hommes soient mobilisés pour aller dans l'armée. Mm-hmm. Voilà, parce qu'avoir la femme et les enfants... Les obligations conjugales. Voilà, les obligations conjugales, ça détruit. L'activité militaire. Exact. Mm-hmm. Et puis le prêtre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché l'amour du mariage. Je dis bien, je répète, et là je commence en fait. Il a prêché l'amour du mariage. Les chrétiens qui venaient à la paroisse, il a dit, moi je ne suis pas d'accord. Dieu nous a créés pour une vision et une mission, c'est clair. Il a prêché l'amour du mariage, il a prêché combien les fiancés doivent s'aimer, il a prêché le cheminement, il a prêché le fiançailles, il a formé les mariés et il bénissait les mariages alors que l'ordre de l'État était clair. Mmh. Vous voyez? Et c'est ainsi que plusieurs chrétiens venaient dans son paroisse, plusieurs chrétiens venaient de tous les coins et qu'il enseignait cet amour du mariage, bien sûr. Chaque fois qu'il enseignait les gens, c'était pour faire le mariage, alors que l'État n'était pas d'accord. Alors, quand le roi a su cela, il a été triste, fort triste, et il a ordonné qu'on le tue. Donc, c'est ainsi qu'il est devenu le martyr de l'amour du mariage. Voilà, c'est ça d'où est venu... Ça veut dire la Saint-Valentin. L'Église a cheminé avec. L'Église a fait des enquêtes et il a trouvé qu'à un certain moment, l'Église a canonisé le prêtre Valentin comme le saint de l'amour du mariage. Mais qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, le 14 février, soit mémorable pour un musulman, pour un protestant, un catholique? En fait, le 14 février, c'est le jour de la mort de Saint-Valentin. Mm-hmm. Ouais, c'est le jour de la mort. Et c'est là où l'Église a voulu canoniser cela pour, comme on célèbre d'autres saints. Comme on fait les fêtes des autres saints. Alors, comme on fait les fêtes de Saint-Jean, Saint-Pierre, Valentin aussi fait partie de ces saints qu'on célèbre parmi les messes. Même pendant le 14, dans toutes les messes, on fera le Saint-Valentin. Alors, c'est que ce fait... Pourquoi c'est... ça ne se limite pas seulement à l'Église, dans l'Église catholique? Bon, peut-être dans le monde entier, ça a pris d'autres versions. Mm-hmm. Tu vois, comme en Asie, ça a pris que ce soit la journée de la commercialisation. Au Japon, en Chine, c'est là où on vend beaucoup plus de choses pour l'amour, pour les couples, pour les gens qui s'aiment. Et aussi en Amérique, ça dévie de sens. On a dévié de sens parce qu'on a dit que c'est un amour généralisé. Et tous les enfants et tous les jeunes se plantent comme la Saint-Valentin, c'est le jour de faire le sexe, tu vois. Donc, il y a... Mais en Europe, parce que c'est là où se trouve le Vatican, c'est là où on a cette culture-là de respecter quelquefois cet amour du mariage. Mais dans tous les pays, dans tous les continents, on prenait la Saint-Valentin comme une journée mondiale de faire la commercialisation, de vendre les fleurs, de faire des cartes, des restos où il va avoir des clients. On voit des projets qui se mobilisent dans la Saint-Valentin pour sensibiliser sur des thématiques d'ordre conjugal. Donc, mais le vrai sens de la Saint-Valentin, c'est prêcher l'amour du mariage et que Valentin a accepté même d'être tué pour cela. Donc, mais aujourd'hui, et puis la Saint-Valentin consiste à des catégories de personnes. Moi, je l'ai toujours dit, la Saint-Valentin, c'est pour d'abord les mariés. Là, c'est clair. Les mariés, ce soit le jour de commémorer, de jouir de leur mariage, de faire de bien. S'il y a des couples qui ne se réconcilient pas, que ce soit l'occasion de se dire un je t'aime, qui est vrai, qui vient du cœur, que ce soit tout ça. Alors, un autre groupe qui doit entrer dans la fête du Saint-Valentin. Plus ou moins. Oui, je dis bien, plus ou moins. Ce sont des fiancés qui se sont déjà décidés vers le mariage. Là, ce groupe-là entre. Dans ceux qui doivent... Par délibération. Non, je ne sais pas délibération, mais ce n'est pas aussi... Moi, on m'a posé la question hier, en gros, comment est-ce que tu le sauras qu'ils ont fixé le date. J'ai dit bien, des gens qui ont déjà fait la dot, c'est clair. Parce que là, au moins, on a la bénédiction des parents. Oui, parce que dans la culture bondaise, la dot, quand tu dotais une fille, tu avais le droit d'aller rentrer avec elle à la maison. Donc, j'ai dit, tous les fiancés qui ont fait déjà la dot peuvent entrer dans la catégorie des gens qui peuvent fêter le mari, ça veut dire la Saint-Valentin. Mais pourquoi, à votre avis, il ne faut pas généraliser que la fête soit une occasion pour tout le monde? Oui, voilà, ça devient des causes un peu généralisées. D'abord, c'est parce qu'aujourd'hui, le message même de la Saint-Valentin, c'est pour l'amour du mariage. Je dis bien, il y a plusieurs types d'amour, mais c'est l'amour du mariage. Mais aujourd'hui, on observe que plusieurs personnes ne s'aiment pas pour le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'aiment pour le matériel. Il y a des gens qui s'aiment pour le sexe. Donc, c'est que plusieurs personnes s'aiment en dehors de l'amour du mariage. Là, cette catégorie de personnes, que chaque personne qui se comprenne, qui n'est pas dans ce cadre de l'amour du mariage, il n'entrait pas dans ce qui fête la Saint-Valentin. C'est clair. Par contre, ce qu'on peut faire, les jeunes d'aujourd'hui, moi, pour cette semaine, j'ai préparé pour les jeunes. Les jeunes pour aujourd'hui... Alors qu'ils ne sont pas censés. Parce que ce choix est causé par cette pression de la société, cette influence des mauvais enseignements que les jeunes ont aujourd'hui, qui doivent aussi entrer dans le domaine de sexe et dans le Saint-Valentin. Qui doivent avoir des copains, des copines, faire des sorties, tu vois. Il y en a ceux qui ont des moyens, tu vois. Et en fin de compte, te coucher avec. Parce que l'autre fois, j'ai eu des rapports sur un ONG qui a fait des... On a fait une enquête sur des jeunes qui ont fait des rapports sexuels lors de la Saint-Valentin. C'était énorme. Et des gens qui... Les jeunes qui ont... Ça commence déjà à inquiéter les ONG. Et puis, dans le centre, c'est le cas. On a vu les enfants qui ont... Les jeunes qui ont mis au monde le 14 novembre, c'était trop de jeunes. Alors, c'était clair qu'ils ont eu la... Ils sont tombés enceintes le 14 février. Oui. Alors, pour dire quoi, moi, j'ai eu ce souci. Quand j'ai lu ce rapport qui était publié, j'ai eu un souci. C'est pourquoi j'ai changé de mentalité. J'ai changé de version de faire. Maintenant, je vais enseigner les jeunes. Leur dire, parce que la Saint-Valentin, ça parle de la vie conjugale. Tu vois la différence où se trouve. Là, ça parle de la vie conjugale. La vie conjugale, c'est à partir des fiancés qui se sont fixés et des mariés. Tandis que les jeunes, il faut leur parler de l'esprit conjugal. C'est différent. C'est différent parce qu'on ne peut pas parler de la vie conjugale sans parler de l'esprit conjugal. Parce que l'esprit conjugal... Il faut d'abord avoir l'esprit. Exact. Il faut d'abord développer cet esprit. Oui. Il faut développer cet esprit conjugal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut dire aux jeunes comment protéger cet esprit conjugal. Parce qu'aujourd'hui, il y a des esprits conjugaux qui sont blessés. Alors, ça se blesse dès le bas âge. Il faut développer cette responsabilité conjugale d'abord. Parce que la responsabilité conjugale ne commence pas avec le fiançailles. La responsabilité conjugale commence dès le bas âge. Parce que c'est là où on doit protéger la vie conjugale dès un moment basal, tu vois ce que je veux dire. Alors, moi, j'ai eu ce souci que les jeunes, avant de leur parler de la vie conjugale, parce que la vie conjugale, c'est la pratique, comment on vit la vie conjugale, mais il faut d'abord former les consciences des jeunes pour développer cet esprit conjugal. Parce que vu aujourd'hui, les jeunes sont mis au piège. Donc, alors moi, je crois que ce qui est évident, les gens qui doivent profiter de la fête de Saint-Valentin, et c'est ce que le prêtre Valentin, plusieurs gens peuvent aller sur Internet et voir, il enseignait pour les fiancés la pratique conjugale. Mais pour les jeunes, il faut enseigner l'esprit conjugal. C'est ça la différence, en fait. C'est ça. Voilà, l'émission, c'est Forum Jeunes. Aujourd'hui, nous discutons autour de la fête de la Saint-Valentin qui s'annonce dans 2 jours. Et au studio, nous sommes avec Benny Deschimier, sexologue et coach en relations conjugales. Et si vous avez une question, vous pouvez nous appeler au 76 083 933 ou 22 25 43 75. Et le numéro WhatsApp, c'est 76 083 933. Toussaint Mitebouti va vous recevoir au téléphone et vous pourrez poser votre question ou commenter par rapport à notre émission. Voilà, Monsieur Benny, si vous voyez ce qui se fait autour de cette fête, au Burundi, est-ce qu'on suit la cadence ou c'est un peu modéré? Bon, alors, au Burundi, d'abord, c'est mélangé. Il n'y a pas une loi au Burundi qui dise sur l'orientation de la Saint-Valentin. Il n'y a pas une loi, je n'ai pas encore vu ni la Constitution, ni j'espère qu'ailleurs également, il n'y a pas de loi pour... Non, ailleurs, il n'y a pas de loi. Ce sont des intégrations d'entrepreneuriat qui s'imposent, tu vois. Alors, mais au Burundi, il y a aussi la Saint-Valentin, les gens l'ont connue par rapport à des influences européennes, tu vois, ce que je veux dire. Voir à l'extérieur. Mais l'Église catholique au Burundi, ils connaissent la fête, tu vois. Mm-hmm. L'Église catholique connaît la fête parce que c'est enceinte de l'Église, tu vois. C'est d'où on a même des enseignements à gauche, à droite de l'Église catholique qui enseignent sur la Saint-Valentin, qui prennent même l'initiative de faire même, non pas la journée de la Saint-Valentin, mais la semaine de la Saint-Valentin. Parce qu'au Burundi, ce que je peux dire, les Burundais, ceux qui savent la saveur de la Saint-Valentin, ce sont les membres de l'Église catholique. Voilà. Alors, ce que je peux dire, les gens, les Burundais n'ont pas seulement... cette envie de faire la fête de Saint-Valentin à l'intérieur du pays, je ne crois pas que ces histoires. Voilà, c'est ici en capitale. Alors, il y a certains centres urbains quand même. Oui. Voilà. Donc ici, il y a plusieurs façons qu'ils vont fêter la Saint-Valentin. J'ai plusieurs invitations, des événements qui se feront le mercredi. Il y a des gens qui seront, je dirais, foyer. Vous avez planifié déjà votre travail. Oui, j'ai peur que même je ne répondrai pas à ces invitations parce que j'ai trop de travail, bien sûr. Mais il y a les gens, les Burundais commencent à savoir qu'est la journée de la Saint-Valentin. C'est le jour des amoureux. Tu vois? C'est le jour des amoureux. Mais il faut un peu clarifier ces amoureux, qui sont-ils? Ces amoureux. Oui, ces catégories. Parce qu'il y a plusieurs amoureux. Il y a plusieurs amoureux. Même les jeunes sont amoureux, tu vois. Mais moi, je dis bien aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, que c'est le jour des amoureux mariés ou qui vont faire le mariage. Là, c'est très catégorique. Là, je suis très catégorique avec ça, c'est clair. Mais ceux qui sont amoureux pour d'autres objectifs, là, ils ne sont pas dans le bain de la Saint-Valentin. Ce qu'ils peuvent faire de la Saint-Valentin, et ça ne leur appartient pas. Donc, c'est clair. Alors, ce que je peux dire, il y a d'autres qui vont fêter ça par des soirées. Tu vois, par des soirées organisées dans des hôtels, dans des restos à gauche, à droite. J'ai plusieurs invitations pour cela. Il y a des musiciens qui vont profiter de l'occasion, tu vois, pour gagner du flic, tu vois. Ils vont inviter des gens qui vont venir, tu vois. Mais là ils ne se limitent pas. Même les jeunes qui s'aiment, qui ont de l'argent, ils vont venir. Parce que eux, c'est le business, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas vraiment le message qu'ils vont avoir. Mais moi, ce que j'inviterais à des gens, c'est que profiter de la Saint-Valentin, c'est profiter de régler, d'ajuster tout ce qui ne va pas bien dans leur vie conjugale pour qu'ils puissent avoir un départ qui est meilleur. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a une catégorie que vous ne voudriez pas qu'elle est faite, la Saint-Valentin, notamment les jeunes qui sont dans la période de copinage ou une relation qui vraiment n'est pas engagé. Mais du côté des parents, dans ces circonstances, dans ces circonstances de fête de Saint-Valentin, comment ils doivent se prendre par rapport à, bon, à alors, leurs enfants? Là, vous touchez un point sensible. Eux, normalement, les parents doivent fêter Saint-Valentin. Bon, d'abord, et... c'est qui est sûr que leurs enfants vont attendre, vont voir d'abord si les parents vont fêter ça. Mm-hmm. Parce que les enfants, eux, ils peuvent avoir cette attitude qu'eux, ils n'appartiennent pas à cette fête. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Mais ils vont avoir, ils vont avoir l'œil sur la maman. Mm-hmm. Si papa va venir avec un cadeau pour maman, tu vois ce que je veux dire? Si papa et maman vont sortir ensemble, tu vois? Vont faire une soirée pour eux, tu vois? Est-ce qu'on ne veut pas fêter dans la famille? Ça peut être bien. Par contre, ça peut être encourageant. Et garder le exact, sens de la Saint-Valentin. Exact. Tu vois, ça serait une très bonne idée. Je crois que je profite même de cette occasion de lancer cet appel vibrant. Si le papa et la maman, s'ils ont l'opportunité de prendre les enfants et qu'ils aillent fêter ça avec les enfants, ça serait meilleur. Ça serait meilleur que les enfants, que les parents, que ça soit aussi une occasion de parler aux jeunes, tu vois, aux mmh. enfants qu'ils ont. Que dans l'avenir, il faut se préparer à cela. Que les parents peuvent contribuer à développer l'esprit que j'ai parlé. Tu vois, mmh. pour que vous deveniez quelqu'un, un mari, une femme, il faut développer des attitudes de responsabilité comme des femmes ou comme des hommes. Tu vois, parce que la vie conjugale, c'est tout l'arsenal de l'homme qui le constitue. Alors, ça peut être une bonne occasion. Et à la fin, à la maison ou dans la chambre, ils peuvent jouer leurs intimités, ça va. Mais ça peut être bien. Aussi, peut-être, ils peuvent aller les parents de leur côté, fêter leur côté, mais demain qu'ils prennent les enfants et qu'ils les expliquent. Ou une fois entrés dans la soirée à la maison, qu'ils expliquent aux enfants sur la fête. Écoute, c'est la fête des amoureux. Et l'amour se développe dès le bas âge. Vous devez le protéger. Vous ne devez pas gaspiller pour que vous deveniez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Tu vois, la Saint-Valentin peut être un moment de fête, mais un moment aussi de passer un message pour leurs enfants, pour développer l'esprit de responsabilité conjugale dès le bas âge. Donc, un moyen de dissuader les enfants qui espéraient sortir pour leurs petits copains, petites copines, tu vois, les histoires, mais que les parents prennent cette responsabilité. Ça serait aussi une façon de les protéger, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'un enfant, quand il reçoit un conseil d'ordre conjugal venant d'un parent qui n'est pas en train de lui taper, tu vois ce que je veux dire, de le gifler, c'est un conseil qui va tout droit dans sa conscience. Mais les gens ont beaucoup plus tendance à interdire qu'à enseigner, tu vois, il a interdit qu'à enseigner, et là il se pique, c'est clair, il se plante dans le chaos. Alors je profite, même le Saint-Valentin peut être un moment aussi de sensibiliser les jeunes sur ce qui les attend à l'avenir, mais qu'ils se préparent dès aujourd'hui. Voilà, c'est Vous l'aviez annoncé un peu, mais vous n'avez pas continué votre argumentaire sur la manière de fêter, le sens qu'il faut donner à la fête de la Saint-Valentin. Oui, alors d'abord, je dis bien, le sens d'abord, c'est le sens de mobiliser les gens, de sensibiliser les gens au mariage, tu vois ce que je veux dire, au mariage, à l'amour du mariage, aux pratiques du mariage, à l'engagement du mariage, aux paroles qu'on va parler au mariage. C'est ça ce que Valentin enseignait, le prêtre Valentin. Il mettait même l'accent sur les paroles qu'on prononce, tu vois, à l'église. À l'église. Parce que, tu vois, les gens, ce qu'ils doivent savoir, à la mairie, là où on signe, tu vois, là où on signe à l'État, l'État n'unit pas les gens qui vont faire le mariage. Par contre, l'État te montre que... Officialise votre union, mais aussi l'État officialise votre divorce. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Il est toujours prêt. Donc, ce n'est pas une union complète. L'État n'unit 50-50. Genre, vous vous unissez aujourd'hui pour les biens, c'est clair. La juridiction disait qu'une fois, tu vois, tout l'arsenal qui est là. Alors, mais dans l'Église, c'est là où on unifie, tu vois? C'est là où on fait cette pratique d'unifier, de mettre en connexion l'homme et la femme. Et là, l'Église, il ne fait que bénir, tu vois ce que je veux dire? Les mots là qui s'engagent, je te prends pour le pire, pour le meilleur, tu vois? Malade ou n'est pas malade, dans les tristesses, dans les joies, tu seras mon mari, tu seras ma femme. C'est ça ce que Valentin enseignait. C'est cet amour-là d'engagement, c'est cet amour-là de se donner, c'est cet amour-là de donner la vie pour l'autre, c'est cet amour-là d'abandonner, de se détacher de la famille et de la société pour l'homme et la femme que tu vas avoir, tu vois. Donc c'est un amour de plafond. de plafond. Mmh. Ce n'est pas des petites amourettes là que les gens vivent. Tu vois. Donc, c'était un amour d'engagement. C'était un amour de conscientiser ce que tu vas faire. Si on dit dans le pire, dans le meilleur, comment faire ça? Le pire aujourd'hui a cassé beaucoup de choses dans les couples. Le meilleur aussi a construit beaucoup de choses. Le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour aussi de voir ce qui a été cassé pour unir, pour ajuster. Mais aussi, c'est pour fêter ce qui a été construit par cet amour. Alors là, je dis bien que les gens qui ne sont pas mariés, s'il vous plaît, ou qui ne sont pas fiancés, je le dis, je le répète, vous allez me mettre les pierres sur la tête. Ce n'est pas votre fête. Voilà. De toutes les façons, vous avez planifié plusieurs activités à l'endroit, surtout des jeunes, pour encore expliquer. Nous avons moins de 30 minutes dans ce studio CP. Mais pour ceux qui voudraient bien venir dans vos débats, comment ils peuvent vous trouver ou seront organisés ces débats? Bon, voilà. D'abord, la première chose, c'est que... Vraiment, je demande 1000 excuses pour les mariés qui m'ont demandé de faire un événement pour eux cette semaine, mais je n'ai pas organisé cet événement pour eux. Mais j'invite tous les mariés à aller au foyer de charité. Il y aura des enseignements pour leurs relations, tu vois. Ils peuvent accompagner également, pourquoi pas, leurs enfants, les voilà. Donc, l'horaire est dispatché, je crois, lundi, aujourd'hui. Je crois, aujourd'hui, à partir de 7h même, 17h, 17h30, ce sera pour les mariés. Lundi, mercredi, vendredi. Donc, ça sera pour les mariés, de 17h à 19h. Les célibataires, là, c'est pour tout le monde, pour tes célibataires, pour former l'esprit conjugal. Ça sera lundi, aujourd'hui même. Lundi, mardi et vendredi. Tu vois, ça sera pour les célibataires. Et puis, pour les jeunes, c'est mardi et vendredi. Donc, les jeunes adolescents, de 16h à 18h. Mais moi, pour mon cas, moi, j'organise un grand événement pour les jeunes samedi. Samedi le 17, ce samedi le 17, de 14h à 17h. Ça sera fini la Saint-Valentin. Oui, ça sera fini parce que les enfants seront à l'école, tu vois. Donc, au Saint-Michel, à l'intérieur de la paroisse Saint-Michel, il y a une grande salle. C'est là où j'accueillerai tous les jeunes entre 14 et 18 ans. En tout cas, merci. Et je vous remercie également pour votre participation dans l'émission Forum Jeunes. Comme d'habitude, vous répondez toujours présent si la disponibilité vous le permet. En tout cas, merci pour avoir été encore une fois de nous. Merci encore une fois. Hein, merci. Et Pacifique Chouaïdo était à l'animation de l'émission Forum Jeunes. Emet Semitevouti assurait la mise en onde. À vous tous qui étaient à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de continuer à écouter nos émissions qui continuent. C'est la radio Isanganiro.